Les Regards, résumé de la semaine. Bienvenue dans Les Regards. Voici l'essentiel de la semaine. Des perturbations liées aux grèves, des mesures d'urgence pour l'eau potable en Alsace et des commémorations marquantes pour la fin de la Seconde Guerre mondiale. Restez avec nous pour plus de détails. Dans 11 communes du Haut-Rhin en Alsace, l'eau du robinet a été interdite pour les femmes enceintes et les populations vulnérables. À cause de la pollution par les PFAS, des substances chimiques utilisées dans les mousses anti-incendie. Le niveau de PFAS dans l'eau dépasse 4 fois la limite autorisée. Cette interdiction pourrait durer jusqu'à la fin de l'année et le coût pour purifier l'eau est estimé à 20 millions d'euros. Cette semaine, plusieurs grèves secouent la France. Cheminots. Le 7 mai, des perturbations sont attendues dans la région Île-de-France, y compris Paris, avec des retards sur les lignes RER et Transilien à cause d'une grève des employés de la SNCF. Médecins. Les professionnels de santé protestent également ce mois-ci, réclamant de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés. Commémoration. 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France a participé aux événements marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le président Emmanuel Macron a abordé avec le Premier ministre britannique la nécessité d'un cessez-le-feu en Ukraine, ouvrant la voie à des négociations de paix. Science attirer des chercheurs en Europe. La France et l'Union européenne ont lancé l'initiative « Choisissez l'Europe pour la science » visant à attirer des chercheurs américains face aux restrictions et aux réductions de financement aux États-Unis. Des subventions, des avantages fiscaux et de l'aide à la relocalisation sont proposés. Événement footballistique. Football féminin. Le 3 mai, le Paris FC a remporté la Coupe de France féminine en battant le PSG au tir au but 5-4 après un match nul 0-0 à la fin du temps réglementaire. Il s'agit de leur première victoire sous leur nouveau nom. Ligue des champions. Le 7 mai, Paris Saint-Germain affrontera Arsenal pour le match retour de la demi-finale. Arsenal doit rattraper son retard 1-0 pour espérer se qualifier pour la finale. Histoire et justice. L'affaire Dreyfus. Des personnalités politiques françaises, dont l'ex-premier ministre Gabriel Attal, ont proposé de rehausser le rang d'Alfred Dreyfus, injustement condamné en 1894. Ce geste vise à souligner la lutte contre l'antisémitisme moderne et à rétablir la justice historique. C'était Les Regards. Nous préparons toujours nos contenus rien que pour vous. Retrouvez tous nos articles et nos dossiers sur lesregards.fr. À très bientôt et prenez soin de vous.